But I play jazz too. Thank you. And now is better. Thank you. simple. Thank you. Genre, ils sont que comme ça. Il a dit, fais une gamme. Il a dit, vas-y. Tu t'avais fait une gamme. Là, regarde. Mais non, c'est le game. Ah, c'est le game. Et c'est le jeu. Ah. On t'entend pas la peine d'écrire. On t'entend pas la peine d'écrire. Ah, excusez-moi. Je croyais que j'étais ennuyé. 12 mesures. T'étais énervé. C'est des erreurs quand tu tapes sur ton clavier. Excusez-moi. Non, parce que c'est vrai que je comprends pas en fait. Moi j'aimerais bien juste faire un morceau parce que je comprends pas les. Même les 2-5-1, faire que des 2-5-1 à un moment c'est. C'est un peu. Que des 2-5-1 à un moment. Parce que, c'est... parce que vu que moi je viens de connaître l'application. Alors donc aujourd'hui j'ai essayé vraiment tous les trucs, tous les serveurs, il n'y en a pas un qui faisait un morceau. Donc c'est ce que je comprends pas. Pour ça. En fait, c'est pas évident. Mais c'est juste. Sinon, décalage. Vous m'entendez en décalé? Non, parce que moi, je veux juste. Donc, un morceau normal, je sais pas. Ouais, par exemple, Love Me, il y a 30 mesures. Je sais même pas combien de mesures, je connais pas. Et Et si on essayait ça? Chacun comme vous voulez. Vous voulez que quelqu'un le lance et après on s'arrange. Ok, pas de problème. On va commencer, on commence. Les mines. Tu dois suivre le tempo. Au début, on compte les temps de tempo. Ok, ok, on va jouer, mais je vais voir de toute façon. On verra sur le moment. Et commencer ou non. D'accord, pas de soucis. Bah, qui lance le. Comment on lance le truc? Comment on lance le son? Des fils en bas, ouais. Oui, voilà. Ah, ça, c'est tout le temps que j'ai. Jusqu'à que le bleu il s'enlève, c'est plus à moi, c'est ça? D'accord, ok, jusqu'à 48. À 48, c'est plus à moi. Ok, mais pas de problème. Ouais, je démarre sur le 1. Y a pas de son, y a rien. rythmique. Salut, c'est Howard. Je m'appelle pas Howard, hein. On s'en branle. Le but du jeu sur Ninja, il faut tout faire en fait. Ok. On m'entend? C'est bon, enfin, il y a un décalage là. Ok. Voilà. Voilà. Bon, là, on a du beau monde ce soir. Il y a Guava qui est à la contrebasse. Et il y a Magnus, il y a Rick Face, il y a Viteg. Je sais pas qui c'est. What is that? Voilà, ça joue ce soir. Le but du jeu, c'est mettre dans l'ennemi si quelqu'un a une boîte à rythme. Un rythme wave, tout ce que tu veux, ou alors une batterie. Le mieux, c'est une batterie. Voilà. Et tu commences sur le 1, sur ta grille, tu comptes les temps de ta grille. Si ça dure 16 temps, 28 temps, 30 temps, tu démarres sur le 1. Mais le but, c'est d'être sur le tempo. Voilà. Ce message arrivera 3 ans plus tard. Voilà, donc là. jaune gris. Jam, il faut bosser un peu. Je l'entends. Donc c'est quoi les accords là? Alors là, je vais faire ça. Tempo 125. Voilà, c'est parti. 1, 2, 3, 4, et... C'était bien ce que t'avais mis là. Parce que personne n'est synchro, donc j'attends que l'autre synchro. Voilà. Pourquoi ? Alors on va attendre, je vais lancer sur le 1. Et on fait une crise en 32. Ok. Attention, on va partir sur le 1. 1, 2, 3, 4. C'est calé, si elle est calée, bordel. 3. Même 3, 4, 3. Très bon réflexe de Guava. Voilà, on part sur la grille. Fais bosser. C'est du 48 Rickface, c'est sûr. 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 3, 2, 3, 4. Bon, je vais prendre ma pelle. Ouais, peut-être 36, ouais. Ah ouais. C'est du 34. Putain, on va y arriver. Ok. On va y arriver. Voilà. 34, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais, ouais. C'est pas grave, Rickface. Parti.